tu t'en fous. C'est pas que j'ai approuvé, mais comment me dire que ma femme et mon ami ensemble ont déjà chez cours. J'ai du mal à approuver, tu me plais, mais ton passé risque fortement de tout gâcher entre nous. J'ai une fierté, désolé, mais toi t'arrives pas à comprendre et tu penses que j'ai réfléchi comme un fou. J'peux pas être avec toi car je pensais à quand vous étiez tous les deux. Et je sais qu'avec toi, à cause de tout ça, je ne pourrais être heureux. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. C'est pas que je suis insensible, mais t'aimer, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. C'est pas que je suis insensible, mais t'aimer, c'est impossible. Très bien si t'apprends que j'ai fréquenté quelqu'un de ton entourage. Et me dis pas que tu t'en fous, imagine comment je vais me sentir si je le vois le jour de notre mariage. T'as capté que c'est chou, je sais qu'il a repris sa vie, mais c'est des principes qu'on a chez nous les hommes. Et ça date pas d'aujourd'hui, donc tu dois comprendre que c'est plus compliqué pour moi de faire de toi ma femme. Ma femme. Je peux être avec toi car je pensais à quand vous étiez tous les deux. C'est qu'avec toi, à cause de tout ça, je ne pourrais être heureux. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. C'est toi qui je suis insensible. Et t'aimer, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. Toi et moi, c'est impossible. C'est toi qui je suis insensible. Et t'aimer, c'est impossible. Impossible pour moi d'avoir des sentiments. Si je te dis c'est pas grave, c'est que je te mens. On va essayer de s'oublier doucement. On fera comme si de rien n'était devant les gens. Impossible pour moi d'avoir des sentiments. Si je te dis que c'est pas grave, c'est que je te mens. On va